بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد وهو باب الإمامة. C'est le chapitre qui touche aux règles de celui qui est imam, de celui qui préside la salat, en groupe. طيب يقول فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى après qu'il a cité le sens de imama en linguistique, en langue arabe, qui peut avoir plusieurs sens. D'ailleurs, l'imam, ça peut être employé pour l'imam dans la salat, ça peut être employé pour le gouverneur, ça peut être employé pour une personne qui est une référence pour les autres, ou ainsi de suite. C'est une personne qui est toujours en avant. Et dans ce chapitre, il va démontrer justement les règles qui se rapportent à cet imam. يقول والإمام في الصلاة مرتبة عالية وفضيلة ظاهرة ولذلك كانت عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم لا يقدم فيها إلا ذو الكفاءة والجدارة وجدارة لكونه أقرأ لكتاب الله تعالى وأفقاه أفقاهه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Justement, il dit que le mérite apparent de cet imam, c'est tout simplement apparaît à travers le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam remplisse cette fonction-là, ainsi que ses califes bien guidés par la suite, et qu'on ne fait prendre cette place-là qu'une personne qui le mérite. D'accord, qu'une personne qui le mérite, ce n'est pas n'importe qui devient imam. Lors d'une salawat, on regarde en premier lieu qui connaît le mieux le Coran, qui est-ce qui connaît le mieux la sunna, et ainsi de suite. Il y a différentes règles. Qui est celui qui a fait l'hijra en premier, si jamais ce sont des gens qui sont muhajiroun, qui est celui qui se convertit en premier, wakada. Wakada. Naam. Donc, il y a quoi le hadith 72e hadith. Anabi Hurayra رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. Donc selon Abu Huraira, رضي الله عنه, le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit, ne crains donc pas celui qui lève sa tête avant que l'imam ne lève sa tête, que Allah ne rende sa tête comme la tête d'un âne, ou que Allah mette son image comme l'image d'un âne. Non. Plutôt que Allah lui donne l'apparence d'un âne. Donne son apparence comme l'apparence d'un âne. Yaqul Fadilat al-Shir ibn al-Thaymin, rahmallahu ta'ala, al-Rawi, le rapporteur, c'est Abu Huraira. Radiallahu. Sabaqat tarjamatuhu fil hadith thani. Donc sa biographie est citée dans le deuxième hadith. Yaqulu moudou al-Hadith bayen hukm musabaqat al-Imam. Maintenant, ce hadith est pour montrer le jugement qu'il est de celui qui devance l'imam. Celui qui devance l'imam. طيب يقول في الشرح الإجمالي يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر أن من يرفع رأسه قبل إمامه في ركوع أو سجود أن يقلب الله رأسه إلى رأس حمار أو صورته إلى صورة حمار جزاء له على عمله حيث لم يفهم الحكمة في الإمامة. Donc là, Abu Huraira informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde, a averti que celui qui lèvera sa tête avant que l'imam ne lève la sienne, c'est-à-dire lors du recours ou du sujoud, que Allah changera. Yani qu'il est sous la menace qu'Allah lui change sa tête, qu'il lui rende sa tête comme la tête d'un âne, ou qu'il lui donne l'apparence d'un âne. Et cela en rétribution de son acte, du fait qu'il n'a pas compris ce qu'est justement la sagesse d'avoir un imam. والمقصود منها هو المتابعة حتى يتحقق ذلك معنى الجماعة بذلك معنى الجماعة ويوبخ من لم يخشى ذلك الوعيد. Et c'est quoi le but de cela? C'est que se réalise justement la sagesse du suivi et que cela prend le sens du groupe, que le groupe doit être mené par une personne. C'est inévitable. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam reproche celui qui n'a pas compris cela. C'est comme dans une société, on a un gouverneur, un seul. Dans une maison, on a un chef de famille, un seul. Dans un groupe, on a un émir. Par exemple, quand on va en voyage, on a un émir, un seul. Dans la salat, on a un imam, un seul. Toujours, il y a un suivi d'une personne. Et nous sommes tout le temps en groupe. Dans ce que nous faisons. Dans le djihad, pareil. Là, tout ce qui se fait en groupe, il y a toujours un meneur. Et ce meneur-là, il faut le suivre. Ce meneur-là, il faut le suivre, sinon ça l'amène au désordre et à la division. Donc celui qui se lève avant l'imam amène à lui à le devancer, à prendre les devants sur lui, alors que ce n'est pas son rôle. Et cela amènera justement à un désordre. Et ce qui montre que le fait de désobéir à une personne qui a autorité sur nous, sur un acte particulier, par exemple l'imam, dans le masjid, même s'il n'a pas autorité sur les gens de façon générale, lors de la salat, c'est lui qu'on doit suivre. La salat débute lorsque lui la débute. Et elle se termine quand lui la termine. Donc on le suit en cela, c'est une forme d'autorité qu'il a sur nous par rapport à la salat dans son accomplissement. Donc il dit Fawaid al-Hadith, enseignement utile du Hadith, Tahrim araf min ruku' ou sujud comme l'imam. Yuqasu ala dhalika sabaquhu fi ruku' wa sujud. Qu'il est interdit de lever la tête lors du ruku' ou du sujud avant que l'imam ne le fasse. Et on prend cela également comme analogie pour tout acte dans la salat, on ne fait rien devant lui. On ne le devance pas dans ce qu'il fait. ثانيا أن فاعل ذلك مورد نفسه بتحويل صورته أو رأسه إلى صورة حمار أو رأسه. Que celui qui fait cela est sous la menace que sa tête ne soit changée en tête d'âne ou que son apparence prenne l'apparence d'un âne. ثالثا أن الجزاء بجنس العمل. Et que la rétribution est en mesure de l'acte. Et il faut savoir une chose, que cela est valable pour, ça, cela, c'est pour la personne qui aura fait un acte délibérément. Des fois, ça arrive que quelqu'un n'a pas, il a mal entendu, par exemple, ou n'a pas fait exprès, il a devancé l'imam dans ce qu'il fait. Lui n'est pas concerné par le hadith. Ce hadith concerne celui qui agit cela délibérément. D'accord? Celui qui agit cela de la sorte délibérément, sans raison valable. Wa kaza. Fayla huna.